有点蛮方把地 Ferme les yeux et repense à ces moments du temps. Comme tous ceux qui ressurgissent quand un moment. Toujours mis un t-shirt et qui capte nos songes. Premier danse, premier baiser, dis-moi, nous y est danser. Ça qui fait faire souffrir, y'en a pour faire oublier. Y'en fait la nuit, de faire quoi avant ciel à tes plis. Je suis né loin d'ici. Fais-toi une confie, brise dans tes souvenirs. Tu trouveras quelques traces indélébiles qui te rendront le sourire. Fais-toi, mélodie la caille, on promène dans tes tours. Qu'à chanter. La chaleur d'une flamme, du fond de ta mémoire reviennent des visages oubliés. Une mélodie pour une histoire d'amour ou d'amitié. Choisis un moulet, fais un mélange d'images, même si c'est pour te blesser.